Donc nous poursuivons aujourd'hui cet évangile de Matthieu. Donc nous sommes au chapitre 14, les scènes juste pour se remettre en contexte, où est situé cet épisode. Donc un peu avant, qu'est-ce qui est arrivé dans les textes qui précèdent? Eh bien Jésus, après avoir fait des miracles, annoncé aussi, enseigné en parabole, est retourné dans son village natal. Il est allé à Nazareth. Et à Nazareth, ça s'est pas très bien passé. Les gens disaient, mais c'est qui lui? En fait, c'est le fils de Joseph, on le sait. Pour qui il se prend? Hein? Et finalement, Jésus a pas pu faire dans son village de Nazareth beaucoup de signes parce qu'il manquait de foi. Donc, premier, une sorte de, un peu d'échec. Tout de suite après cet épisode de Nazareth, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, Matthieu relate que des gens viennent dire à Jésus que Jean-Baptiste, son cousin, le prophète, celui qui l'a même baptisé, plongé dans l'eau, vient d'être tué par Hérode. Hérode, en tout cas, pas, toute l'histoire, vous la connaissez, je la reprendrai pas, mais c'est plutôt par Hérodiade qui était tannée d'entendre Jean-Baptiste protester contre leur union illégitime. Donc, ils ont fait raccourcir Jean-Baptiste d'une tête. Mais donc, deuxième échec aussi de la mission du Père, d'une certaine façon. Et le texte dit, Matthieu dit après, sachant cela, Jésus dit à ses disciples, allons à l'écart, allons sur l'autre rive. Et c'est ce que Jésus et les disciples font, ils traversent le lac de Tibériade. Sauf qu'en arrivant sur l'autre rive, qu'est-ce qui se passe? Plutôt que de trouver de la solitude, de la tranquillité pour se ressourcer, se rebrancher à Dieu, eh bien, Jésus trouve une foule qui l'attend et qui est pleine aussi, assoiffée d'être enseignée, d'être guérie aussi de toutes ses infirmités. Et le texte dit, Jésus fut pris de compassion et plutôt que de les renvoyer, il se mit à aussi guérir toutes les infirmes. Et c'est là qu'arrive cette scène, donc, où les disciples disent, mais Jésus, renvoie-les dans les villages, ils n'auront pas à manger. Et là, Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? Un peu de pain, très bien. Il prit le pain, le rompit, et il fait cette multiplication des pains. Il est venu pour répondre à la faim et à la soif physique, mais encore plus humaine, spirituelle. Et c'est à ce moment-ci qu'arrive le texte qu'on vient de lire ce soir, l'Évangile. Donc après ces deux échecs, Nazareth et Jean-Baptiste qui est tué, après par ailleurs cette foule assoiffée et affamée d'entendre la parole, mais aussi d'être nourrie, que Jésus nourrit, Jésus reprend sa décision de prendre un temps à l'écart. Hein, c'était ce qu'il avait choisi de faire en traversant le lac. Il n'a pas pu le faire, la foule était venue. Donc là, il est déterminé, je me rebranche sur mon Père. Et pour ça, il oblige ses disciples à dire, allez me précéder sur l'autre rive, je vous rejoindrai. Moi, je vais renvoyer la foule et aussi, il sait, il va prier. Et c'est ce qui se passe. Donc, le texte dit, quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Ici, il y a une première lumière et leçon, je pense, que Dieu veut nous donner ce soir. Parce que c'est pas juste Jésus qui rencontre des échecs ou des difficultés pour mettre en œuvre le projet de Dieu, qui est un projet d'amour, de vérité, de justice. Des fois, c'est nous, lorsqu'on veut suivre le bon Dieu, on frappe notre mur. Et ça marche pas comme c'était prévu, c'est pas aussi facile que c'était prévu, le succès est pas aussi spontané qu'on l'avait espéré. Alors quand on frappe notre mur, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? Eh bien, c'est faire comme Jésus, retourner à la source, retourner un peu à l'écart, prendre un recul. Hein, des fois on dit prendre une journée de retraite, on se retire, pour voir un peu plus de haut, et même ici l'image sur la montagne. Hein. Sur une montagne, on a une vue plus détachée des choses, plus globale. Et en plus, la montagne dans la Bible, c'est quoi? C'est le lieu de l'intimité avec Dieu. si on ne prend pas ce temps-là pour aller à l'écart lorsqu'on frappe des événements difficiles, eh bien, il y a un grand risque qu'on se mette à compenser par toutes sortes d'activités, d'actions, ou même toutes sortes de compulsions pas très saines, pas très positives, qu'on essaie de masquer ces émotions complexes qui nous habitent de déception, de colère, de rancune, etc., plutôt que de les gérer, on essaie de les cacher. Alors, première petite leçon qu'on peut retenir ce soir par Jésus, si on frappe des événements difficiles, pas de panique, mais faisons comme Jésus, cherchons un temps à l'écart. Et si ça se peut que ce temps à l'écart comme Jésus soit décalé, c'est-à-dire que, oups, sur notre route, on rencontre des gens qui ont besoin, eh bien, encore une fois, répondons aux besoins, aimons les gens, mais n'oublions pas cette détermination, comme Jésus, de prendre quand même après mon temps seul à seul avec Dieu. Parce qu'on en a de besoin, nous aussi. Si le Fils de Dieu, Jésus, hein, qui était lui-même Dieu, en a eu besoin, bien encore plus nous, qui ne sommes pas Dieu par nature, avons-nous besoin de nous rebrancher à la vigne. Jésus dira, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, sans moi vous pouvez rien faire. » Donc, de cette première partie de scène, retenons ceci, ressourçons-nous, prenons ces temps à l'écart. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Hein, ils traversent les autres, ils s'en vont, ils traversent ce lac, et puis les vagues et le vent étaient contraires. Donc là, c'est au tour des disciples de frapper un petit peu des difficultés. Et je ne sais pas si vous avez déjà, vous savez qu'on fait à la paroisse, on a une équipe de canoë à glace et on fait des fois on rame sur le fleuve. Et c'est pas très agréable quand il y a de la grosse vague ou s'il y a du vent contraire. Et des fois, et si en plus là avec la glace on frappe un tapis roulant, c'est pas agréable parce que tu as l'impression de ramer, puis il y a rien qui se passe. T'as même pas l'impression d'avancer. Et c'était probablement cette impression-là que vivent les disciples. Et en plus, hein, on le sait, il fait nuit. Donc, ils ne voient pas très loin en plus. Donc, il s'apparaît encore plus long et il s'apparaît encore plus périlleux quand on ne voit pas. Là aussi, ces éléments réels ne sont pas banals. Je crois que Dieu a permis que ces éléments reflètent aussi. Parfois, on est dans cette attitude-là intérieure. S'il y a toutes sortes de vents contraires à nos projets, des vagues, des choses qui risqueraient de nous engloutir, et puis on a l'impression que ça avance pas, qu'on est dans la nuit, on ne voit pas le bout de la souffrance ou de la misère. Mais c'est à ce moment-là que Jésus vient nous rejoindre sur cette route. Et c'est là que Jésus est venu leur rejoindre. Donc, dans les dernières heures de la nuit, après qu'ils aient peiné beaucoup. Et au départ, les disciples, ben, ils paniquent un peu. Ils se disent, oh, c'est pas normal. Il y a quelqu'un qui marche sur l'eau. Donc, ils se disent, c'est un fantôme. Et on aurait peut-être dit la même chose, nous autres aussi, si quelqu'un marchait en plein milieu du fleuve, à côté de mon canot à glace, je dirais peut-être, oups, il y a un petit problème. Alors, et ils se mirent à crier. Mais là, Jésus dit, confiance, c'est moi. Confiance, c'est moi. C'est une parole qui reviendra plein de fois dans la Bible. C'est une parole qui sera dite aussi, entre autres, à Josué. Confiance, courage. C'est une parole qui sera dite à Abraham. Confiance. C'est une parole qui est dite à ses disciples. Et c'est une parole ce soir qui nous est dite à nous. Et peut-être spécialement à ceux, ce soir, dans l'assemblée, qui se disent, moi, ça fait des semaines que je rame. Des mois. Peut-être même des années. Eh bien, le Seigneur, ce soir, veut venir peut-être nous rejoindre, vous rejoindre spécialement, vous disant « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Et là intervient Pierre. Pierre, cet apôtre qui est en train d'émerger du groupe des douze, qui tranquillement prend de l'audace dans sa relation avec Jésus et qui lui dit « Seigneur, si c'est toi, demande-moi de venir marcher avec toi sur les eaux. » Il y a un progrès de la foi. Matthieu nous présente ici que les disciples ont un progrès dans la foi. On est au chapitre 14. Au chapitre 8, il y avait une autre tempête où les apôtres avaient eu très peur aussi. Et quand Jésus a apaisé la tempête, les disciples s'étaient dit, mais c'est qui cet homme? Mais là, Pierre, il commence à pressentir que oui, Jésus, il est tout puissant. Donc, il se dit, si t'es vraiment Jésus, t'es capable de me faire marcher avec toi sur l'eau. Et Jésus lui dit simplement, viens-t'en, allez, viens. Et Pierre se lève, il commence à marcher, donc ça marche, ça fonctionne. Par sa connexion à Jésus, il réussit à faire des choses qu'il ne serait pas capable de faire sans Jésus, marcher sur les eaux. Et ça, c'est vrai aussi pour nous, si on reste connecté à Jésus, on sera capable de défier certains défis qu'humainement, on ne serait pas capable d'assumer. Mais finalement, il prend peur, et la peur, très intéressant, nous déconnecte du lien vital avec Jésus et nous replonge dans nos petites bibites personnelles, nos forces à nous seuls, et là, on cale. Mais, dans cette détresse, là, il y a tout à coup, bien foi que c'est Jésus qui est là, il lui dit, « Seigneur, sauve-moi! » Il n'y a plus foi en lui, mais il y a encore foi en Jésus. Puis des fois, nous-mêmes, on peut être envahis par des doutes, des peurs, puis on voit les adversités, puis on se dit, « Ah, panique! » Mais faisons au moins comme Pierre, « Seigneur, sauve-moi, fais quelque chose. » Et Jésus le prend. Cette scène ici, il y a un père de l'Église, Hilaire, un des premiers siècles. Hilaire, ça doit être de Poitiers. Donc, ce père de l'Église dit que cette scène est une préfiguration de ce que Pierre va vivre au passage de la mort à la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus s'est fait arrêter? Eh bien, c'était la nuit, c'était des vents et des vagues contraires. Le mal semblait dominer la barque de l'Église naissante. Mais il y a Pierre qui a eu un élan de foi et de courage pour suivre Jésus. Même quand Jésus s'est fait arrêter, on se souvient, Pierre est allé suivre Jésus avec Jean et il est allé dans la cour même où Jésus était tenu arrêté. Et Pierre a eu un premier élan de courage pour suivre Jésus jusqu'à mourir. Mais là, entendant les vents contraires, puis tous les gens qui se mettent à vouloir la mort de Jésus, puis qui disent, mais hey, toi, là, t'es un de la gagne. Tu viens de Galilée, on reconnaît ton accent. Là, les vents contraires semblent plus forts que ce qu'ils pensaient, puis ils disent, oh, j'ai peur, ma peau va peut-être être mise en danger, moi aussi. Et il se met à caler. Il se met à douter, à avoir peur de perdre sa vie. Et il cale. Mais Hilaire, donc ce père de l'Église, Hilaire dit, mais il se ressaisit par son repentir. Il se met à recrier vers Jésus, Sauveur, sauve-moi. Et comme Judas, il a fait un gros péché, mais Pierre ne désespère pas de son péché lorsqu'il cale. Et il croit en la miséricorde de Jésus, il crie vers lui. Et Jésus entendra son repentir intérieur, même si Pierre a pleuré amèrement. Et Jésus apparaîtra à Pierre. Le matin de la résurrection, on sait que Jésus est apparu à Pierre et ensuite à tous les apôtres. Donc cet épisode est un épisode, au fond, que Jésus a permis, voulu, pour fortifier ses disciples dans la foi, malgré l'adversité, parce que la barque de l'Église, on le sait, n'aura pas d'autre sort que celui de son Seigneur et Sauveur. Si Jésus a passé par une descente dans les chutes et les cascades avant de retrouver les eaux calmes de la résurrection, eh bien, pareil pour les chrétiens, pareil pour ceux qui suivent Jésus, il y aura mené des chutes, des cascades, peut-être même des chutes Niagara pour nous, mais pas de panique. Le Seigneur est là et sera là. Et finalement, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Jésus revient dans la barque, le vent tombe par sa présence, et tous le texte nous dit, se prosternèrent devant lui. C'est plus juste Pierre qui chemine dans la foi, c'est maintenant tous les autres, les 12 qui sont dans la barque. Ils se prosternent et ils disent, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Ça se termine dans un acte de foi, un acte de confiance renouvelé après une épreuve dépassée. Ce soir, chers amis, demandons, encore une fois, n'oublie pas le premier point que j'ai souligné, si on a des épreuves, ayons le réflexe de Jésus, allons à l'écart pour se rebrancher à Dieu, pour se recentrer sur l'essentiel, pour reprendre courage par l'union à Dieu. Mais aussi, si on est appelé à devancer Jésus sur l'autre rive, pas de panique. Et si même on se met à couler, pas de panique encore, crions Jésus, sauve-moi, ça marche plus. Même si on a péché, Jésus est miséricordieux. Vous avez souvent vu cette image de Jésus miséricordieux, elle est là dans le coin. Ceux qui voudront venir la voir, Jésus est apparu à sœur Faustine avec des grands rayons de miséricorde qui sortent de son cœur. Et il a voulu que soit écrit la phrase en dessous, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Eh bien, ce soir, demandons la grâce d'être renouvelés dans la foi. Et demandons cette grâce par l'Esprit-Saint qui veut de l'intérieur nous soutenir pour être capable de ne pas avoir peur. Parce que l'Esprit-Saint, nous dira saint Paul, qu'on a reçu n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de fils. Quoi qu'il arrive, je sais que je suis dans la main du Père. Il me dit, il vous dit, tu es mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée en qui j'ai mis tout mon amour, ne crains pas. Seigneur, ce soir, merci de nous réveiller dans la foi. Soutiens-nous, soutiens notre espérance, même lorsqu'il fait nuit, même lorsqu'on rame depuis longtemps. Et ouvre une issue, donne-nous d'être dans ta main, en paix, dans l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance. Et mon soutien, c'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint, c'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint.